directeur de l'école d'architecture de Grenoble, je suis chargé de faire le mot d'accueil traditionnel de tout séminaire des colloques. Je suis assez bref. D'abord pour vous dire donc que c'est une des trois séances de ce séminaire qui porte sur la thématique de la marche. Il a été aidé évidemment par l'école d'architecture de Grenoble, l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Donc, on tient à les remercier ici. Vincent Michel, Hélène Casalta, qui est au service de la recherche, et Brigitte Sans Savoir, qui ont pris en charge notamment l'organisation du buffet auquel je vous ai convié à midi dans la salle 282-283 et qui se trouve à côté des locaux du laboratoire Casson. On tient aussi à remercier le BRAUP, le BROP, Bureau de la Recherche Architecturale Urbaine et Paysagère, qui finance pour partie aussi l'émission des personnes invitées à intervenir dans ce séminaire. Alors, je rappellerai simplement aussi que bon, ce séminaire est organisé donc à l'initiative du laboratoire Cresson, que vous connaissez sans doute, qui est une partie lui-même de l'UMR Ambiance Architecturale et Urbaine, donc qui regroupe le laboratoire Cresson et le laboratoire CERMA de l'École d'architecture de Nantes. Nous nous intéressons évidemment, comme vous le savez, aux pratiques sensibles de l'espace, aux projets sensibles sur l'espace. Pour nous, architectes, chercheurs et acteurs de l'espace, ce séminaire s'inscrit donc dans un mouvement pour la recherche en architecture, dont on oublie aussi parfois qu'elle s'intéresse aux aspects les plus ordinaires et courants de la vie, et donc parmi eux, celui de la marche. J'espère que les journées seront fructueuses et donc que les intervenants auront le temps aujourd'hui d'exposer leurs idées au sujet de cette importante question, mais aussi courante et ordinaire que celle de marcher en ville.